de vous à moi, il y a tant de pas, beaucoup trop, je crois. La nuit tombe déjà entre rire et larmes. J'ai perdu mon âme à vos jeux de dames et de rois. J'étais pour vous un clown, voilà tout, l'idiot et le fou, tellement fou de vous. Pardon, jolie dame, de quitter le jeu, je dépose les armes. De vous et moi, il ne restera pas grand chose, je crois. Vous êtes loin déjà, votre rire le malin pour un pauvre diable aux abois. Car je n'aurais jamais été pour vous qu'un clown, voilà tout, l'idiot et le fou. Tellement fou de vous. Adieu, jolie reine. Rendez-le heureux, ce prince qui vous aime.